Les éditions de l'Avenir présentent Le Progrès de l'Est, volume 1, numéro 4, du samedi 15 septembre 1883. Page 4, colonne 5. Central Falls, Rhode Island. Deux enfants, David et Elizabeth Hines, âgés respectivement de 9 et 12 ans, ont été condamnés par le juge de police, chacun à $1 d'amende et aux frais, pour avoir volé, mercredi dernier, plusieurs livres d'école appartenant au couvent de la paroisse de Saint-Patrice à la gare du chemin de fer. Un serfrain, nommé Joseph Blanchette, employé au train de gravier sur le chemin de fer Providence and Worcester, a eu une partie du pied écrasée lundi dernier par une roue de locomotive qui lui a passé dessus. Il a été de suite transporté à Providence pour recevoir les soins médicaux nécessaires. La liste d'évaluation de la cité de Providence accuse une somme de $90,148,400 contre celle de $88,985,900 l'année dernière pour propriétés immobilières. Les propriétés personnelles sont de $81,722,000 contre $80,208,300 l'année dernière, ce qui donne une valeur totale de $121,865,400 ou $2,669,200 de plus qu'en 1882. Le montant des taxes est de $1,765,048,30. Un garçon nommé Powers, âgé d'environ 14 ans, fils d'une veuve demeurant près de l'église catholique à Lonsdale, a quitté son ouvrage à la manufacture numéro 4 samedi vers 9h du matin et a essayé de glisser en bas sur la rampe de l'escalier. Il a perdu l'équilibre et est tombé sur le plancher du troisième étage. On a dû le transporter à la maison où le médecin a constaté qu'il n'avait ni fracture ni contusion, mais il craint pour des lésions internes. Élection semestrielle des officiers de l'Association Saint-Jean-Baptiste de Central Falls, Rhode Island. Chaplain, révérend G.F. Mahoney. Président, Dr. A.Z. Falcon. Vice-président, Dr. J.E. Mathieu. Secrétaire archiviste, J.B. Brazo. Assistant secrétaire archiviste Joseph Lacroix, secrétaire correspondant T.R. La Liberté. Secrétaire financier Louis Forgette, trésorier Tréflé Hébert, commissaire ordonnateur François-Xavier Lamarine, directeur Joseph Chouanière, Pierre Lambert, Hormidas Lambert. Comité d'enquête Dr. Falcon et Mathieu, Damas Colette, Laurent Labossière. Cet enregistrement est diffusé sous licence Creative Commons, Attribution, Non-Commercial, Share Alike et est une production 2014 des Éditions de l'Avenir. Pour tout connaître de nos productions, visitez l'aveniraudio.canalblog.com. Merci de votre attention et à bientôt.